regard d'ombre, ce silence obscur, perçant la pénombre, entre fin et césure, la thèse de regard noir, l'antithèse de cœur amoureux, une fleur sur deux lignes, la synthèse, une nuit de bleu, la pointe sur le vinyle, tes doigts en éventail, s'abandonnant à l'idylle, la note du détail, dans le flou d'une eau claire, sur la force d'une histoire, un baiser écrit en vers, une âme destinée aux abattoirs, sur cette feuille tu dessines, tu brodes à l'encre de Chine, tu me sors du fond de la mine, tu envoies très loin cette mine, glory for love. L'obscurité vit, retire les visions diurnes délicatement. L'horizon s'écarte sans aucun bruit. Ensemble dansons, éclairer l'aurore de la nuit. À l'orée de tes entrailles, nous mouvons à l'amour. Nous baisons à la gloire du soleil qui dehors lui. Allez, trouvons ça bien de jouir du plaisir alentour. Glory for love. Alléluia. Glory for love. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Glory for love. Alléluia. Regardons ce silence obscur, perçant la pénombre, entre fin et césure, la pointe sur le vinyle, tes doigts en éventail, s'abandonnant à l'idylle, la note du détail, dans l'ombre de l'ampoule, doucement, cette chambre close, où l'obscurité vit, frottir les visions diurnes délicatement, l'horizon s'écarte sans aucun bruit. Ensemble dansons, éclairer l'aurore de la nuit. À l'orée de tes entrailles, nous mouvons à l'amour. Nous baisons à la gloire du soleil qui dehors lui. Allez, trouvons ça bien de jouir du plaisir autour, du plaisir alentour. Glory for love.